pas, je ne t'attendais plus. J'ai tant de mal à y croire, tout semblait perdu. J'ai dû parcourir la terre pour venir te chercher et te sauver des hommes. Je ne connais que ton regard, mille et une fées. Je devine au hasard tous tes rêves bridés. Je donnerai ma vie entière pour seulement te mériter et devenir un homme, Tinan, Tinan, enfant du bout du monde, à jamais libéré. Toucher ton regard juste encore une fois. Les jours disparaissent, me rapprochent de toi. Je briserai toutes les murailles, toutes les offenses, pour que tu aies ta chance, ta chance. Tinan, Tinan, enfant du bout du monde, à jamais libérée.